Now the Anumodana talk, successful talk for the 3 weeks retreat. Before I start short Dhamma talk, I would like to wish to our yogis and Dhamma helpers, all the Dhamma Ransi Dhamma group, by reciting the stanza. Nous allons maintenant passer à un enseignement Anumodana, un enseignement qui va célébrer le succès de cette retraite de 3 semaines. Mais avant de donner l'enseignement, je vais réciter des stances en guise de remerciement à tous les yogis, à tous ceux qui ont aidé et à tout le Dhamma Group. Sabhidiyo vivajandu sagaraga vinasatu Mahade bhondondaraya sukhi jiga yuga bhava Sabhidiyo vivajandu sagaraga vinasatu Mahade bhondondaraya sukhi jiga yuga bhava. Puissiez-vous tous être libres des calamités. Puisse le chagrin et la maladie être détruites. Puissiez-vous être libres de tout danger. Puissiez-vous être heureux et vivre longtemps. Sadhu, sadhu, sadhu. Notre retraite de 3 semaines de méditation vipassana est arrivée à sa fin et ce fut un succès. Pendant ces 3 semaines de pratique intensive, les méditants ont pratiqué la méditation de façon assidue. Et pendant ces 3 semaines, j'ai moi-même pu aider les yogis qui pratiquaient de façon assidue l'enseignement du Bouddha et de façon à ce qu'ils puissent le faire confortablement et joyeusement. Et avoir ainsi les yogis qui travaillent de façon harmonieuse en étant toujours attentifs, et moi-même qui ai pu donner des enseignements sur le Dhamma avec beaucoup de joie, tout cela me fait penser à l'histoire de Matikamata du temps du Bouddha. Du temps du Bouddha, juste avant la retraite des pluies, un groupe de bhikkhus se rendit chez le maître pour lui demander un sujet de méditation qui leur était adapté. Ils quittèrent alors le monastère de Jetavana pour se rendre dans la forêt et mettre en application les instructions du Bouddha. Et ce groupe de 60 bhikkhus se mit donc en route et atteint un village appelé Matika. Une dame âgée vit les moines qui s'approchaient du village. Elle leur demanda pourquoi ils venaient dans ce village. L'aîné des bhikkhus répondit qu'ils avaient l'intention de pratiquer la méditation et qu'ils cherchaient un endroit pour cela. La dame âgée les invita alors à rester dans le village. Elle fit construire des koutis de méditation pour chacun des moines et commença à prendre soin d'eux en leur fournissant la nourriture et les 4 articles. Et chaque jour, cette dame âgée cuisinait donc pour les bhikkhus. Elle leur offrait chaque jour la nourriture. Et tout en cuisinant, elle pratiquait la méditation, car elle avait reçu les instructions pour cela. Elle devint ainsi un anagami, mais pas un anagami ordinaire, un anagami qui avait les pouvoirs supranormaux. Elle traitait les bhikkhus comme ses propres enfants. Un jour, elle décida de vérifier leur pratique et leur avancement. Et elle dut constater qu'ils n'avaient fait aucun progrès, qu'ils n'avaient encore pas atteint aucun des stades d'illumination. Avec ses pouvoirs supranormaux, elle put constater que c'était dû à un désir pour la nourriture, un certain désir pour la nourriture. Elle leur cuisina donc les plats qu'ils souhaitaient, le désir disparut, et les bhikkhus purent tous atteindre l'illumination. Cette histoire illustre le fait que si la nourriture n'est pas appropriée, ces bhikkhus-là n'auraient pas atteint l'état d'arhat, ils n'auraient pas pu pratiquer la méditation de façon assidue. Et les yogis, ici, ont également pu pratiquer pendant 3 semaines de façon assidue parce que la nourriture leur a été offerte tous les jours, non seulement à eux, mais également à la Sangha. Comme Damadina vient de le dire, il y a eu 11 personnes qui sont venues aider pendant cette retraite. Et en plus de ces 11 personnes, il y a eu Min, Monsieur Min, qui est venu spécialement de Manchester. Grâce à ces personnes et grâce à leur service au Dhamma, les yogis ont pu pratiquer de façon assidue. Il y en a probablement qui ont réussi à comprendre très clairement le Dhamma, mais cela, c'est une question personnelle. De toute façon, tous ces yogis ont pris chaque jour les 9 préceptes moraux. Ils ont tous écouté le Dhamma. Ils ont tous pratiqué Vipassana dans le but de se libérer des Kilesa, de Loba, de Dosa et de Moha. Ce sont donc des personnes vertueuses. Grâce au service des bénévoles, il a été possible pour tous ces yogis de pratiquer de façon diligente et de pratiquer tout ce dont il vient d'être question. L'aide des personnes bénévoles est donc énorme. Lorsque Matikamata cuisinait pour les bhikkhus, elle le faisait avec 4 qualités dans son esprit. Elle avait en elle metta, l'amour bienveillant. Elle avait de l'amour bienveillant pour ses bhikkhus qui pratiquaient la méditation de façon assidue. Elle avait karuna, la compassion. Elle avait mudita, la joie sympathique. Elle avait upeka, l'équanimité. Les bénévoles qui ont offert leur service pendant cette retraite et qui ont permis aux méditants de pratiquer de façon assidue avaient eux aussi ces 4 qualités en eux au moment où ils rendaient service. En fait, les bénévoles n'avaient pas probablement ces 4 qualités, ils les avaient sûrement. Sans metta, en effet, il n'aurait pas été possible de préparer des plats aussi délicieux et aussi joliment présentés. Et les yogis doivent manger avec attention, les bénévoles le savent, ils ont donc en eux de la compassion. Lorsqu'ils voient les yogis manger avec appétit la nourriture qu'ils ont préparée, ils se réjouissent, ils ont donc mudita, et ils ont également l'équanimité. Et ils n'ont pas seulement préparé une nourriture délicieuse pour les méditants, mais ils m'ont tout particulièrement bien soigné. Ils savent quels sont mes goûts, et ils m'ont préparé des porridge, ce que vous appelez des soupes de riz, et beaucoup d'autres choses qui étaient délicieuses. Et j'ai remarqué qu'ici, au centre d'Amarancy, la tradition du dana est très prospère maintenant. Chaque jour, il y a eu des donateurs pour le petit déjeuner, le déjeuner et les boissons à 4 heures. C'est également un dana qui permet aux yogis de pratiquer de façon assidue. J'ai même cru entendre qu'il n'y a pas eu de place pour tout le monde. Tout ceci prouve qu'ici à Damarancy, l'enseignement du Bouddha, le Bouddha Sasana, se développe et prospère. Donc, je voudrais donner un conseil aux yogis ou leur faire remarquer qu'en abandonnant un petit plaisir, on obtient un grand bonheur. Les yogis et les personnes qui ont rendu service ont eux également abandonné leur plaisir temporairement, et ils se sont ainsi donné une chance de trouver le grand bonheur. Le grand bonheur, c'est l'illumination. Comme Matikamata, qui a atteint l'illumination tout en cuisinant, il est possible pour eux d'atteindre l'illumination, et si pas l'illumination, en tout cas, l'assurance de reprendre naissance dans les sugatis, les plans agréables, les plans de Deva et le plan humain. Si vous reprenez naissance dans un plan de Deva, vous serez toujours heureux. Il n'est pas possible d'être malheureux ou pauvre dans les plans de Deva. Et si c'est dans le plan humain que vous reprenez naissance, vous aurez les bénéfices d'une longue vie, de la beauté physique, vous serez heureux, en bonne santé et vous aurez la sagesse. Si en abandonnant de petits plaisirs, on se donne une chance d'obtenir le grand bonheur, le sage devrait abandonner ses petits plaisirs pour se donner une chance de connaître le grand bonheur. So that is enough for conclusion. Sadhu. Anything? Transfer of merits. Yoga. Okay. So please help each other. Very short. Itam me ponyam. Itam me ponyam. Asavakaya vaham. Asayana kavaham. Hodu. Hodu. Itam me ponyam. Itam me ponyam. Nibbanasa. Nibbanasa. Pachayo. Pachayo. Hodu. Hodu. Imano. Imano. Punyabhagam. Punyabhagam. Madhavidunanja. Acharya Nanja, Acharya Nanja, Sabha Maita Nanja, Sabha Maita Nanja, Sabha Devata Nanja, Sabha Devata Nanja, Sabha Peta Nanja, Sabha Peta Nanja, Sabha Sata Nanja, Sabha Sata Nanja, Dema, Dema, Bajema, Bajema, Sabhe Sata, Sabhe Sata, Imano, Imano. Punyabhagam, Punyabhagam, Samman, Samman, Labhaitava, Labhaitava, Sukhita, Sukhita, Bhavantu, Bhavantu, Sadhu, Sadhu, Sadhu. Vénérable, dans le but de nous libérer des souffrances du samsara, dans le but d'atteindre l'illumination et Nibbana, pendant ces 3 semaines, nous avons pratiqué la méditation de façon assidue, nous avons pris les 9 préceptes, nous avons écouté l'enseignement sur le Dhamma, nous avons offert Dana, nous avons rendu service. Par ces diverses actions méritoires, puissions-nous atteindre Nibbana, puissions-nous atteindre l'illumination. Nous avons également offert au Sayado Nawakama. Par ce Nawakama, puisse, et par toutes ces actions méritoires que nous avons faites au cours de cette retraite, puissions-nous atteindre l'illumination, puissions-nous atteindre Nibbana. Nous partageons nos mérites d'abord avec nos défunts, nos parents, nos professeurs, nos amis, nos familles. Nous les partageons avec tous les devas, les pétas, et tous les êtres. Puissent-ils recevoir ces mérites? Puissent-ils pratiquer l'enseignement du Bouddha dans le but de se libérer de la souffrance? Puissent-ils recevoir ces mérites comme nous en avons reçu nous-mêmes? Puissent tous les êtres être heureux et en paix. By offering this Nawakama and practice all kinds of Dhamma, may we attain enlightenment and Nibbana. We share our happiness or our merits, kusala, especially to our departed ones, such as our parents, our teachers, our relatives, our families, and all devas, all betas, or any other beings. May they receive our merits, then practice the teachings of the Buddha. Be free from suffering. May they receive our merits the same equal what we receive. May they be well and happy. Sadhu. Sadhu. Sadhu. Sadhu.